want. And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. Mwah. And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. Mwah. And tonight I'm alive in a dollar sign. Tame me, can't tame me. Tell me I have changed, but I'm the same me. Oh, save me. Inside. Hey. If you don't like the way I talk, then why am I on your mind? If you don't like the way I rock, then finish your glass of wine. We fight and we argue, you'll still love me blind. If we don't fuck this whole bienvenue sur Fun Radio pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est l'Happy Hour qui commence dans moins de 5 minutes. Ça c'est promis, il y a l'équipe qui se met en place. Il y a Fab d'un côté, salut. Il y a le Sandro aussi. Bonjour. Fab qui est mort de rire. Il a eu une info sur Kim Kardashian et depuis il me lâche plus avec ça. Ah, en 30 secondes, vite fait, vas-y, explique aux auditeurs parce que le gars, on a l'impression qu'il. Oh là là, il arrête elle pas quoi. Elle était pas toute seule dans la salle de bain quand elle s'est fait agresser. Elle était avec une copine. Attends, mais donc c'est quoi? Kim Kardashian s'est fait agresser, c'est ça? Oui, donc tout le monde a vu l'info. Ils sont débarqués, ils l'ont attaché dans la salle de bain. Ouais. Et elle avait une copine qui, quand elle a entendu les agresseurs, elle a couru se cacher dans une autre salle de bain. Ouais. Et elle s'est dit, je vais appeler la police. D'accord. Ouais. Sauf qu'elle a fait le 911. Ah, aux États-Unis. Oh, mais merde. Qu'elle est con. Mais franchement, la meuf, elle s'entoure de filles aussi connes qu'elle. Hein. C'est n'importe quoi. Dans l'émission, tout à l'heure, on aura du cadeau pour vous. Si vous voulez repartir avec l'Overboard, bah, restez bien branchés dans l'émission. On vous file tout ça juste après les infos, maintenant sur Fun Radio. Fun Radio. Maintenant chez Ici par XL, ce sont les offres Perfect Mood, des parfums à prix rond qui mettent tout de suite de bonne humeur. Venez vite les sentir ou commandez sur iciparxl.be. Il y aura du son dance floor hein, aussi dans l'émission avec Sound of Legend, Zao et MHD. Puis je vous ai calé aussi un petit Folle et Wadad. Tout ça, c'est ce qui arrive après l'actu et c'est avec Carlo. Bonjour Carlo. Hello Audrey, salut à tous. Un attentat terroriste s'est peut-être produit ce midi à Bruxelles. Je dis peut-être parce qu'en fait on ne connaît pas encore les motivations du type qui a agressé au couteau deux policiers en uniforme à hauteur du centre sportif kinétique sur le boulevard Lambert-Mont. Mais l'affaire a en tout cas été fédéralisée. Un des policiers a été blessé au cou et l'autre dans la région abdominale. Mais ni l'un ni l'autre n'ont à craindre pour leur vie, pas plus que leur agresseur d'ailleurs. Il a été blessé à la jambe lorsqu'une autre patrouille de police est intervenue. Le bonhomme en question va évidemment être interrogé, individu à propos duquel on ne sait toujours rien, le parquet n'ayant communiqué aucune info à son sujet. Possible attentat donc tout à l'heure, pas d'attentat par contre. Du côté de la gare du Nord, évacué sur ordre de la police vers 13h20, because une alerte à la bombe mais qui a été rouverte un petit peu plus d'une heure plus tard. N'empêche que les perturbations sur le rail risquent de se poursuivre, elles, jusqu'à la fin de la journée, avec de nombreux retards. Quelqu'un m'a demandé hier pourquoi je n'ai pas parlé de Kim Kardashian et de ses petits soucis alors que les autres radios le font bien. Il y a plusieurs réponses possibles. L'une d'entre elles étant qu'évoquer ce sujet, ce serait une insulte pour ceux qui ont de vrais problèmes, comme par exemple les migrants qui se noient dans la Méditerranée pour fuir la misère ou la guerre, ou qui ne se noient pas d'ailleurs, hein, c'est pas pour autant que tout se passe au mieux pour eux. Les gardes-côtes italiens ont encore eu beaucoup de boulot en ce début de semaine avec plus de 6000 migrants secourus lundi, environ 1800 hier. Et les opérations de secours se poursuivent. Évidemment, un photographe de l'AFP a pu monter à bord d'une embarcation de fortune dans laquelle un millier de personnes étaient entassées sur 3 étages. Il a constaté la présence de plus de 20 cadavres, des gens qui sont morts étouffés, mais il y en avait encore dans la soute, a-t-il ajouté. Et lundi, un responsable des gardes-côtes libyens a annoncé que les cadavres de 11 femmes et 2 enfants avaient été repêchés. Voilà, à part ça, Kim Kardashian se remet de son agression, merci pour elle. En principe, c'est le mois prochain que les Congolais auraient dû se rendre aux urnes pour désigner leur nouveau président. Là, je parle de la République démocratique du Congo. Mais l'actuel chef de l'État, Joseph Kabila, a confirmé hier que le scrutin serait reporté peut-être à la fin de l'année 2018, dans 2 ans, donc carrément. n'allait surtout pas lui faire remarquer qu'il cherche ainsi à rester au pouvoir, vu que la Constitution lui interdit de briguer un nouveau mandat. Ce n'est pas ça du tout. Et d'expliquer très sérieusement que c'est pour mieux préparer ces élections qu'il les reporte au calendrier grec. Il a notamment souligné que jusqu'à 10 millions d'électeurs n'étaient pas inscrits sur les listes et qu'ils pourraient se montrer violents s'ils ne pouvaient pas voter. En attendant, Kabila aura peut-être du mal à les éviter, hein, ces violences, vu qu'un tel report risque d'énerver pas mal de gens au Congo, où plusieurs dizaines de personnes sont mortes le mois dernier lors de manifs pour exiger justement le départ du président. Fun. Fun Radio. Shoe Discount fête cette année ses 50 ans. Et c'est bon à savoir, car il y a de super réductions sur une foule d'articles et des superbes prix à gagner. Ça, c'est bon à savoir. On va commencer l'émission par un jeu, tiens. Ouais, on va pas se prendre la tête. Hein. Aujourd'hui, si vous voulez venir jouer avec nous au Tic Tac Boom, vous m'envoyez maintenant, boom, par SMS au 3044. C'est 50 centimes, l'envoi, il y aura du cadeau Fun Radio à la clé, donc allez-y. On se fera ça juste après. La météo, Carlo, c'est quoi le programme pour demain? Demain, il fera encore un petit peu plus froid qu'aujourd'hui. Hein. On va perdre 1 ou 2 degrés. Nous sommes bien en automne, c'est clair, mais on aura l'occasion de voir encore pas mal le soleil. Prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse avec Audrey le son de Sound of Legend. Salut. Fun Radio. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. L'Happy Hour, 17h-20h sur Fun Radio. Sur Fun Radio, la suite du son d'Explore, c'est avec Zao et MHD que ça se passe, il y a aussi Fall et Wadad juste après. Avant ça, je l'ai promis, on va commencer l'émission avec un petit jeu, c'est parti, c'est le tic-tac boom. T'as 30 secondes pour trouver un max de mots. Si t'échoues, tu repartiras avec l'autocollant de la honte. C'est le tic-tac boom sur Fun Radio. Alors, on a deux auditeurs qui sont là, qui vont venir jouer avec nous. On a d'un côté Raphaël qui est là. Bonjour Raphaël, ça va bien? Bonjour. Raphaël, t'as quel âge et tu viens d'où? J'ai 41 ans et je viens de la région de Tournai, quoi. Eh bah super, Raphaël. Tu veux faire équipe avec qui? Avec Fab ou avec Sandro? Bah avec Fab. Bah avec Fab. Très bonne idée. Attends, raison, tu vas perdre. Raphaël, j'ai une question. T'as déjà pris l'apéro, toi? Non, pas du tout. Non, rien du tout. Ah bah t'as l'air en forme en tout cas. De l'autre côté, on a Vincent qui est là, qui a 28 ans. Salut Vincent. Salut Audrey, salut l'équipe. Ça va bien? Ça va super. Qu'est-ce que tu fais de beau, mon Vincent? Oh, rien de spécial, je suis en congé, donc... Ouais, bah t'as la belle vie. Il c'est... a de la chance, lui, il profite. Voilà. Non, quand je dis t'as la belle vie, pas vraiment, puisque tu vas devoir faire équipe avec Sandro, donc... Ah, ouais, ça... Merci, c'est gentil. Ça m'a le barré. C'est pas fameux. Bah, tu sais quoi, parce que t'es désavantagé, Vincent, c'est toi qui vas commencer avec Sandro. Donc, je te rappelle le principe du tic-tac-boom. Je vais... Sandro va essayer de te faire deviner un maximum de mots, et plus t'en trouves, mieux c'est, puisque celui qui en trouve un maximum gagne la manche. D'accord, Vincent? Ok. Attention, est-ce que tu es prêt? Oui. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, c'est parti Vincent, on est parti. Ça se met sur les mains, c'est les femmes qui les portent les plus souvent. Les gants. Non, non, c'est super beau, ça coûte très cher. Un débarque. Ouais, mais c'est l'autre mot. Une alliance. Non, non, tu peux mettre aussi autour du cou. Une chaîne. Non. Non. Un collier. Allez Sandro, au moins un point. C'est le synonyme. C'est pas un synonyme, ce qu'il raconte. Mais quand t'en as deux, t'en as deux, toi, plus bas que la ceinture, on appelle ça des quoi? Des couilles. Bijoux. Non, non. Des bijoux de famille. Des bijoux, oui, des bijoux. Oh, là. On applaudit Sandro et Vincent. Ah, belle bravo, magnifique. Bravo, bravo, bravo. C'est bon. Magnifique. Donc magnifique. L'émission pour moi s'arrête là, je rentre chez moi, merci, merci beaucoup. Merci Vincent. Mais comment tu fais pour faire deviner bijoux, quoi? T'es mauvais Sandro, c'est non, quoi ce talent? Comment tu fais deviner les femmes en porte, ça rime avec hibou. Ah ouais, pas con ça, mais ça c'est le talent. Bon attends, parce que fais pas trop le malin. Vous êtes bien, vous me demandez. On va voir si toi et Raphaël vous arrivez à faire mieux. Raphaël, est-ce que t'es là? Je suis là. Attention Raphaël, sois bon, il faut faire au moins un point. C'est pas très compliqué. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Le chien va dans une niche. Bravo. Bim. En dessous de l'herbe, il y a de la terre. Un oiseau qui a un bec jaune et qui parle et qui répète tout ce que tu dis, ça s'appelle un perroquet. Un super-héros qui a un slip rouge au-dessus de son costume bleu. Superman. Oui, oh les femmes passent le balai où? Le balai? Le balai où? Bah sur le carrelage, sur le carrelage. Ouais, non, ouais, t'as raison, c'est pas plus mal. Ouais, non, c'est ok. Je voulais dire aspirateur, mais c'est bien, balai. Oh, magnifique. Raphaël, ça te fait donc 4 points avec l'équipe de Fab. Magnifique. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Je suis trop fort. Raphaël, du coup, c'est toi qui remporte la manche. Tu repars avec du cadeau Fun Radio, Raph. Ah, bah, c'est gentil. Ah, bah, de rien, dis, hein. Dis, tu raccroches pas, Raphaël. On va prendre tes coordonnées en antenne, d'accord? D'accord. Gros bisous Raphaël. Et Vincent, tu as quand même l'extrême honneur de repartir avec l'autocollant de la honte de Fun Radio. Et ça c'est beau. On applaudit Vincent. Merci. Merci à Vincent. Vincent, je te fais des gros bisous. Merci d'avoir participé. Gros bisous. Salut. T'es pas honteux de faire un malheureux comme ça? Non mais j'en ai marre. Non non mais c'est... Enfin bijoux, bague, collier, c'est un synonyme. Enfin à un moment donné... Alors, on va retourner à l'école pour t'apprendre ce qu'est un synonyme, si tu veux bien. Oui, mais c'est quoi un synonyme alors du coup? Fab, tu veux bien expliquer au petit? Un synonyme, c'est quand ça veut dire la même chose. Voilà. Mais c'est la même chose. Non, mais bah, c'est pas grave, laisse tomber Sandro, ça bon, va aller. Okay. On va plutôt écouter le son de Zao avec MHD, ça va. Hein. Laissez les Kouma qui arrivent sur Fun Radio. Il y aura aussi du Folle et Wadad et puis du beau cadeau qui va tomber dans l'émission, un overboard. Ça vous dirait hein, de repartir avec ce chouette cadeau? Bah, il suffit de s'inscrire maintenant. Vous envoyez Fun, FUN, par SMS au 6322 pour 1€ le message. Et c'est promis, avant 18h, je fais le tirage au sort. Et la voici Zao et MHD sur Fun Radio. Welcome tout le monde. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Dans mon coin ici l'ambiance est bonne. Non tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse les parler. Demain on aura zappé. Laissez les gourmands. Laissez les parler. Laissez les gourmands. Laissez les gourmands. Laissez les parler. Laissez les gourmands. Laissez les gourmands. Laissez les gourmands.

C'est la Happy Hour sur Fun Radio, on est avec vous jusqu'à 20h. On est en direct, hein, 17h17, il y aura le son de Mo dans un instant avec Final Song. Et puis de la nouveauté aussi, rien que pour vous, c'est AMT qui débarque juste après l'horoscope. Je vois. C'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. Et on va vous dire si vous êtes quelqu'un de courageux. Genre quand par exemple il y a une araignée qui débarque dans le salon, est-ce que vous êtes du genre à aller l'écraser ou alors à courir et vous cacher dans la salle de bain? Moi je déménage. Tu m'étonnes. Attention, les béliers. Vous êtes super courageux. Vous pourriez aller dans une banque du sperme et faire un don juste avec une photo de Susan Boyle. Oh, oh, dégueulasse. Les taureaux. Le courage et vous, ça fait deux, comme les mots Kim Kardashian et collection de bijoux. Gémeaux. Tous les jours, vous faites preuve de courage et il en faut beaucoup pour sortir de chez soi quand on a votre tête. Les cancers. On peut pas dire que vous soyez vraiment courageux. Vous avez acheté votre iPhone à cause de Siri parce que vous avez extrêmement peur de la guerre. Oh, c'est con, les lions. Vous devriez avoir votre photo à côté du mot courageux dans le dictionnaire. Malgré tout ce qui se passe pour le moment, vous restez supporter du standard. Les balances. Le courage, vous ne savez même pas ce que ça veut dire, ni même comment ça s'écrit. Les scorpions. Si à l'époque les soldats avaient été aussi courageux que vous, on parlerait tous allemand maintenant. Les sagittaires. Vous êtes tellement courageux que quand vous allez chez Ikea, vous êtes le seul à demander le mode d'emploi en version originale non sous-titrée. Ouais, peur de rien, qu'est-ce qu'il y a ici? Les capricornes. Vous n'avez peur de rien, vous êtes tellement courageux que quand des témoins de Jéhovah sonnent, vous ouvrez. Oh, ça c'est chiant, en plus c'est toujours le dimanche matin, je sais pas ce qu'ils ont. Ils viennent jamais la semaine. Hein. C'est le jour du Seigneur. Bah ouais, amen. Les Verseaux. Vous êtes tellement courageux que vous oseriez monter en voiture avec Paul Walker. Ça va être difficile là, comment te dire. Techniquement, c'est pas possible. Oui, je crois, oui. Et on termine avec les poissons. Vous êtes le plus courageux de tous, vous arrivez à regarder un film des frères Dardenne en entier. Oh. Énorme, la suite du son d'Esplore maintenant sur Fun, c'est avec moi que ça se passe, Final Song. Et juste après, on va vous parler d'infos, il sera question de dentier et d'un hôtel à Bruges, bougez pas. Tous les soirs, dès 20h, branchez-vous sur Fun Radio. C'est Fun Radio Connected. Connected. Passez vos messages, vos coups de gueule, ou venez délirer. Fun Radio Connected, 20h-22h avec Dylan, c'est par SMS, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat ou au 02 851 4x0, prix d'un appel local. Fun Radio Connected, tous les soirs dès 20h, c'est sur Fun Radio, le son Dance Floor. Et allô? Bonjour monsieur, je vous appelle du futur pour vous dire de continuer comme ça avec vos flacons de shampoing. Quoi, continuer à me laver les cheveux, c'est ça? Ah non, à bien trier. On vit très bien sur Terre en 2130. Grâce au tri que vous faites tous les jours, vous dans le présent. Ouais, ouais, c'est ça. Et vous partez bronzer sur la Lune. Oh, la Lune, c'était bien il y a 50 ans. Allez, je vous laisse, merci. Quoi, vous êtes vraiment sur la Lune? Attendez, il y a des promos sur la Lune. Allô? Curieux? Likez Faust Plus sur Facebook et entrez en contact avec le futur. Faust Plus, pour le futur, continuons à bien trier. Ce samedi, il y a eu plein de gagnants, mais le jackpot loto n'a pas été gagné. Ah, extra, s'il n'est pas gagné, il y a une petite blague. Alors attention, attention, qu'est-ce qu'un yaourt dans une forêt? Un yaourt nature! Ça, j'aime bien celle-là. Jouez donc au loto ce mercredi. Il y a près de 2 millions d'euros à gagner. Eh ben dans ce cas, j'arrête mes blagues, idiote. Merci loto. La DH présente en exclusivité la collection La Passion du Rallye. Collectionnez de magnifiques reproductions exclusives de voitures de rallye. Des plus récentes aux modèles de légende, à l'échelle 1/43e. Le numéro 1, la Volkswagen Polo, championne du monde 2014 et son fascicule, actuellement en vente en librairie pour 2,99€ seulement. Une exclusivité DH. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son Dance Floor. History, the sun's about to go down, baby. Ooh, I wanna be

Amente sur Fun Radio. Comme d'hab, on a été les premiers sur le coup. La suite du son dance floor, c'est avec D-Rock, ça se passe. Bailar, il y a aussi deux parakeets. Et puis le nouveau Aaron Choupa, je sais que vous le kiffez, je vous le cale dans moins de 10 minutes, c'est promis. Avant ça, je voulais vous parler d'un truc là, sur lequel on est tombé sur Facebook, c'est la folie totale. Vous avez vu la photo du dentier qui est partagée partout là? Ouais. Attends, ah oui, le pauvre, il y a un pauvre gars, enfin en tout cas une personne âgée, je suppose, puisque pour un dentier, il faut quand même avoir un certain âge, mais il y a quelqu'un qui est allé dans un hôtel du côté de Bruges. L'hôtel, c'est le Charlie Rocket City Hostel. Oh oui. On fait un appel public, peut-être que la personne qui l'a perdu nous écoute. Et donc il a mis son dentier, sauf qu'il a été l'oublié à l'hôtel. Et l'hôtel a pris la photo du dentier et l'a partagé sur Facebook en disant hello les gars, à qui c'est? Venez le rechercher quoi. Mais je sais pas si t'as vu, mais il y a que les dents de devant en fait. Mais en plus, ouais. C'est-à-dire que le mec il peut plus manger de viande, il peut plus, il peut plus boire à la paille, il peut plus. Ça me rappelle trop des trucs dégueux. Ah ma bon grand... Bah ouais, ma grand-mère. Raconte. Attends, je te jure. Ma grand-mère, elle prenait son dentier, tu vois. Mais c'était traumatisé quand t'es petit, que tu vas chez ta mamie et que tu vois ça. Elle retirait ses dents, enfin son dentier, et puis elle le mettait dans un espèce de liquide. De bol. Mais c'était toutes les dents. C'était toutes les dents. Ouais, mais imagine, moi j'étais dans le canapé et j'avais vu sur la salle de bain avec cette espèce de dent dans un liquide un peu jaunâtre. C'était vraiment mais répugnant quoi. On peut pas laisser le gars qui a perdu son dentier comme ça dans l'hôtel quoi. Tu vois, il faut faire quelque chose. Le pauvre, comment il va faire sans dents? Bien que, quand même. Si c'est une meuf, ouais, son mari va être content. Tu peux faire quelques trucs hein, quand t'as des dents en moins, je suppose. Ah, bah tu peux rouler des pelles sans ouvrir la bouche. Et Fab, et Fab pourrait nous en parler puisque peut-être que vous avez loupé ça, mais hier soir, Fab nous a avoué qu'il avait été gigolo dans un autre temps, qu'il s'était tapé une femme de 67 ans, qu'elle l'avait payé pour ça 250 boules. Et donc voilà. Fab, mais elle avait toutes ses dents. Ah, ce que je propose de faire, c'est qu'on va appeler l'hôtel. On va appeler le Charlie Rocket City Hostel de Bruges et on va leur proposer de les aider là pour retrouver la personne, non? Ah ouais, c'est franchement, on va aller le chercher. Mais ça peut se revendre, ça, non? Ou sur eBay, ouais, ça. Bah voilà, on va le prendre dans le dentiste s'il faut, t'inquiète pas, on va les appeler. On va choper le numéro standard. Alison, est-ce que tu l'as trouvé le numéro de l'hôtel? Ouais, je l'ai. Eh bah parfait, on va les appeler. Fab, tu vas dire que tu veux récupérer le dentier, ça peut faire plaisir à ta mamie ou ton papy. Ou à des gitans, frérot. Bah voilà. Il faut partager dans la vie, voilà. Bon, on va les appeler dans quelques minutes. Il y aura le son d'Aaron Choupa dans un instant, ça c'est promis. Avant ça, bon, c'est encore un petit peu les vacances sur Fun Radio, on se met dans l'ambiance avec Zero, c'est Bailar que je vous cale dans la piowa. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabrosito, vamos a bailar. ¡Es la cosa! ¡Levámonos! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar. Sudaba tequila, yo quiero probar. Si yo soy vegana, la van a envidiar. Baila como diosa, así no jodas. qui arrive là sur Fun Radio avec le nouveau Aaron Chupa. Ça donne juste envie de te faire des petits bons comme ça dans la voiture. Allez, faites pas les timides, on sait que vous le faites. Bienvenue sur Fun Radio. Si vous venez de nous rejoindre, on était en train de parler d'une info là qui circule sur Facebook. Ça y est, ça fait le buzz intégral. Il y a un mec qui a été logé dans un des hôtels à Bruges. Sauf que le pauvre, il a oublié son dentier. Maintenant, l'hôtel voudrait bien retrouver le propriétaire. Ils ont mis une photo sur leur page Facebook et ils réclament que quelqu'un vienne recharger ce truc tout gluant, visqueux, dégueulasse. C'est peut-être une meuf, hein. Ouais, on sait pas. Bon, c'est peut-être avec ça qu'elle gagne sa vie. Quelqu'un d'âgé. Oh non, pas. S'il te plaît, pas à 17h36. Franchement. J'ai rien dit, j'ai pas dit. Allez, quoi, attends un petit peu avant d'être aussi. Dégueulasse. Répugnant. Bah quoi, c'est peut-être une dentiste, c'est ça que j'ai voulu dire. Ah bah oui, évidemment. Bon, on a chopé le numéro de l'hôtel, le Charlie Rocket City Hostel. En même temps, c'est bien parce que ça leur fait un coup de pub, hein. On dirait une glace. Ça fait une glace. Hostel. Tiens, je vais prendre un Charlie Rocket. Fred. Je me demandais de quoi tu parlais. Bon, alors, on a le numéro de téléphone, Ali, on l'a trouvé. Ouais, voilà. Allez, hop, c'est parti, on fait sonner. Et puis Fab, tu demandes pour le réclamer, quoi. Tu vois, c'est moi qui ai perdu mes dents. Ah bah voilà, c'est bien. Je le dis comme ça. Il va adorer, le gars. C'est parti. À toi de jouer, mon Fab. Et récupère-le, hein. Oui, mais non, mais non. On compte sur toi. Qu'est-ce qu'on est con. Oui, bonjour, madame. Vous parlez français. Qu'est-ce que vous dites? Oui, vous parlez français, alors. Je vous appelle pour le dentier, madame. Oui. Oui, c'est à moi, je voudrais le récupérer. Les dents, c'était à vous? Oui, c'est mes dents qui sont sur le comptoir. You speak English? Non. Non? Non, je ne sais pas, je n'ai pas parlé tout court parce que je plie les dents de devant. C'était à vous? Oui, c'est mes dents. D'ailleurs, il y a mon nom sur une des dents à l'arrière. Pab. Pab. Chez moi. Je voudrais savoir, quand est-ce que je peux mieux récupérer mes dents? Non, c'est déjà récupéré. Non, c'est déjà récupéré. Non, qui a pris mes dents? Non, non, c'était déjà récupéré les dents. Mais vous avez donné mes dents à quelqu'un d'autre, madame? Ah non, non, c'est du personne, on sait, c'était à qui? Ah, mais c'est à moi! Moi, j'ai plus de dents! Demain, je dois faire une photo d'identité. Je vais ressembler à quoi, madame? Sans mes dents. Non, mais je m'excuse, mais je peux vous laisser parce que c'est un peu beaucoup de monde ici. Ah, oui, mais non, mais alors, vous me donnez des autres dents? Au revoir. J'ai besoin d'autres dents, madame. Je peux pas rester sans dents. Oh, la raccroche! Elle a raccroché! Elle a raccroché! Et comment la meuf, elle en a rien à foutre? C'est beaucoup de monde, tu donnes mes dents et tu me raccroches le nez. Comment je fais moi maintenant? Ah, ça me fait rire. Attends, on va la rappeler, c'est une vanne ou quoi? Bah attends, et si c'était vrai alors? C'est pas cool. Imagine, y a un papy qui rappelle pour qu'il les a pas donné aux bonnes personnes. Bon, on va pas laisser ça comme ça, rien à foutre, hein. On va écouter le son d'Aaron Chupa et puis on va la rappeler la madame. En plus, elle fait genre de pas comprendre. You speak English? Non, on speak français. Voilà, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tu rends les dents. Regardez-moi ça, la tête de Fab sans dentier, quoi. C'est possible. C'est pas possible. Tu fais bien quand même le vieux papy, hein. Oui, j'ai l'habitude, hein. C'est une bonne imitation. On va rappeler l'hôtel du côté de Bruges. Il y aura aussi du cadeau avec l'overboard. Tout ça, ça arrive juste après Aaron Chupa sur Fun. Yeah. Que ça se passe, Save Me. Merci de nous avoir choisi là pour terminer l'après-midi. On est avec vous hein, jusqu'à 20h. Et puis si vous êtes vous branchés sur Fun, on a essayé d'appeler l'hôtel à Bruges, là, le Charlie Rocket City Hostel, pour essayer de récupérer le fameux dentier qui a été abandonné là-bas. Il y a un mec qui a été dormir dans l'hôtel. Il a oublié son dentier, du coup ils ont mis une photo sur leur page Facebook pour lancer un appel pour qu'on vienne le chercher. Sauf que Fab a essayé, mais ils ont donné les dents. Donner mes dents. Ah bah ouais, on va leur faire croire que ils ont pas donné les dents à la bonne personne. On veut absolument récupérer ce dentier. On rappelle l'hôtel, c'est parti. Et Fab, dis-leur que tu vas porter plainte. Rien d'accord. À foutre, tu me rends mes dents. Oui, comme ça. Bon, on est des vrais, on a peur de rien sur Fun. Et hop, c'est parti. Oh là là, ça pue. Oui, madame Bonneau, on a été coupé tout à l'heure. Vous avez donné mes dents à la mauvaise personne. Bah, c'est déjà récupéré, monsieur. Mais oui, mais c'est pas moi, c'est mes dents à moi. Vous non, non, c'est pas à vous, monsieur. On était sûr que c'est à qui. Je vais porter plainte, madame, je suis pas causant. Moi, je non, monsieur, c'est déjà réglé, je m'excuse. Je vais porter plainte à la police, hein. Je vous préviens. Mais il de vanne, elle est encore accrochée. Attends, mais non, rappelle, m'en fous, on lâchera pas le dos, hein. Elle va rendre les dents. Non, mais dis-lui qu'il y avait ton nom derrière. Invente un truc. Ah ouais, c'est pas bête, ton ça. Nom, dis-lui que t'avais gravé sur la bague. Tu vois, il y a des bagues pour tenir les dents. Tu dis que t'as gravé le nom et que t'es sûr que c'est ses dents et que si. Ah bah, tu sais quoi, on débarque à Bruges. Rien à foutre. On va débarquer là-bas, même s'il faut y aller en canoë, mais on va y aller. Et elle va rendre les dents. On veut le dentier qui a été abandonné dans l'hôtel de Bruges. Ça va pas se passer jamais comme ça. Jamais sans mes dents. Et bah, tu sais quoi, j'en reviens pas comment la meuf elle raccroche à chaque fois. C'est ça aurait pu être une vraie histoire, hein. Ouais, et tous ces gens qui croient pas à nos mensonges. Ah bah voilà. C'est dégueulasse. Mais enfin, ça se fait pas de faire ça. Ça fait une semaine que je mange de la soupe, moi. Bah, t'imagines la galère quand t'es plus âgé et que tu perds ton dentier, tu perds ta life quoi. Ouais, mais bon, t'as d'autres soucis, genre faire pipi avant de te réveiller ou. Ah ouais. Ah, être incontinent. Ah, c'est nul d'être vieux. Enfin, c'est chouette parfois aussi, mais bon, quand même. T'as voir, elle va plus décrocher la fille. Oui, madame, bonjour, vous avez donné mes dents à la mauvaise personne. Pardon, je ne comprends pas. Alors, j'ai oublié mes dents chez vous. Ah non, mais les dents sont déjà récupérées, hein. Oui, mais vous avez donné à la mauvaise personne. Mais on était sûr que c'était à cette personne qui a récupéré ses dents. Non, il y a mon nom derrière, écrit Fab. Il reste trois petites dents tout seul derrière, perdues. Et mes dents sont écrites dessus, c'est mon nom, Fab. Oui, un instant, s'il vous plaît. Elle parle en flamand, là, madame. On n'avait pas un nom sur les dents, donc je pense que vous avez... Sur les trois dents, Et vous avez oublié vos dents où et vendredi. Quand dans la chambre, vendredi. Pardon? Dans la chambre, vendredi. Mais on n'a pas trouvé dans une chambre. Bah si. Alors c'est qu'elles ont décidé de bouger pendant la nuit, mais moi je les avais laissées dans ma chambre. J'étais parti chercher une bière. Quand je suis revenu, elles n'étaient plus là. Et quel jour vous avez oublié vos dents? Vendredi. Parce que je regardais Koh-Lanta. Est-ce qui bien c'est qu'elle nous entend pas, donc on peut te dire ce que. Vas-y, aide. Non, mais on n'a pas trouvé dans une chambre, donc il y a quelque chose à votre histoire qui n'est pas juste. C'est parce que c'est des dents qui n'en font qu'à leur tête. Des fois elles se barrent, elles reviennent. Parce que un jour, moi je les ai retrouvées en boîte. J'ai dû aller les chercher en boîte de nuit. Dis que tu vas passer ta fille. Je vais vous passer ma fille qui va vous l'expliquer. Oui. Oui, bonjour madame. Oui. Oui, en fait, mon papa vous a appelé parce que il a oublié réellement son dentier dans votre hôtel, quoi. Je suis étonnée de voir votre réaction. Vous ne prenez mais même pas en compte. Il a resté chez nous dans oui. Le hostel. Oui, il a dormi dans votre hôtel. Il a oublié son dentier. C'était hier. Et justement, quand j'ai vu la photo sur Facebook, ça m'a rassurée parce qu'en plus, ça coûte quand même assez cher. Donc, on voudrait bien le récupérer, quoi. Oui. Donc, vous avez vraiment donné le dentier à une mauvaise personne. Dis-lui que c'était mes dents préférées en plus. C'est celle que je préfère et que j'emploie le plus souvent. Je vais lui dire. Madame ? Et vous venez d'où, s'il vous plaît ? On vient de Bruxelles. De Bruxelles. C'est ça. Alors, le problème en plus de ça, c'est que c'est un dentier qu'on a fait sur mesure pour mon papa. Et en plus, c'est ses dents préférées. Donc là, j'ai du mal à le calmer. Donc, comment on peut faire pour récupérer le dentier ? Je joue de la flûte, moi, le week-end. Je peux plus jouer sans mes dents. Elle dit apparemment que c'était sur le bar. Sur le bar. Oui, madame, vous m'entendez ? Allô, allô, madame ? Ils sont en plein débat là. On va leur mettre le doux. Allô, allô. S'en foutent. Ils écoutent fun en fait. Allô, madame. Mes dents elles sont comme moi, elles sont tout le temps en barre au fait. Allô, allô. Yann Duedry. Utschavan Papir. Et deux ans in zakrin dozin. C'est deux ans in zakrin dozin. Ouhou, Iga mour pipidoun. Je balance tout ce que je connais en néerlandais, rien à foutre. Il y a Bart de Weaver qui vient d'envoyer un message où il t'insulte. Gragodan. Alors, oui, mais on est oui. Voilà. Madame, en fait, oui, je suis certaine. Et en plus de ça, mon papa, parce qu'il perd un petit peu la tête, vous savez, il a plus son jeune âge. Il a oublié le dentier, il me dit que c'était pas dans la chambre, c'était sur le bar. Parce qu'il a pas bien compris la question, alors il est tout perturbé. Apparemment, il a oublié son dentier sur le bar de l'hôtel. Oui, mais c'est bizarre que les dents, c'est fait sur mesure, hein, donc... Bah oui, c'est ça, mais en plus, c'est pour ça que ça m'embête, c'est qu'on voudrait vraiment... La personne qui a récupéré les dents, c'était juste, donc... Bah oui, c'est bizarre, hein. Mais il a peut-être la même bouche que mon papa, mais en tout cas, là, c'est embêtant, quoi, parce que moi, je me retrouve avec mon papa sans dents, donc... Y a quelqu'un qui a mis mes dents dans sa bouffe ? Oui, en plus. C'est dégueulasse ! Attends, papa, deux secondes. Mais oui, mais en plus, c'est ça, vous avez donné les dents à quelqu'un qui a été les remettre, et puis c'est pas très hygiénique tout ça, madame, hein. Oui, donc comment on fait bien maintenant contrôlé, hein, Ben vous n'avez pas bien contrôlé puisque mon père a toujours pas ses dents. Donc maintenant on fait comment? C'est malin. Mais on est sûr que les dents sont de ce Mais madame, je vais pas vous le répéter quatre fois. Je vous dis que c'est les dents de mon papa. On fait comment maintenant? Comment vous pouvez savoir que c'est de Ah mais parce qu'il était à votre hôtel et qu'il a oublié son dentier. On a vu la photo, ça correspond complètement au dentier de mon papa. Donc Là, elle est en train de commander une pizza. J'ai une dent contre eux, mais non. Est-ce que vous avez des photos des dents artificielles de votre père? Bah oui, bien sûr, je passe mon temps à prendre les photos du dentier de mon papa. Oui, bien sûr, j'en ai plein. Bah non, j'en ai pas. C'est tout petit peu. Vous n'avez pas. Bah j'ai pas des photos. J'ai eu des photos de mon papa qui sourit, mais alors le dentier tout seul, je me suis pas amusée à le prendre en photo. Non, pas vraiment, non. Excusez-moi, hein. Oui, je comprends. Bah oui, bah moi... Elle se rend compte de ses questions après. Moi, lui, je suis des photos des dents de son père. Elle. Moi, je m'en fous, je téléphone à Colgate et je porte plainte. On comprend rien, mon néerlandais. Et c'était quelle chambre que votre père a dormi? Oh là là, madame, il a déjà du mal à se souvenir de ce qu'il a mangé la veille. Mais alors, si je demande le numéro de la chambre, alors là, on n'est pas, c'est pas gagné tout ça. Vous aviez reçu que votre père a dormi ici? Ah bah oui, bien sûr. Bah ça, je sais, oui. J'ai le reçu, on a la carte, on a tout ce qu'il faut. Donc, j'ai le mail aussi de confirmation. Donc, on va venir dans votre hôtel et puis vous réglerez ça avec un des responsables, d'accord? Oui, ok, ça va. Mais vous allez quand même lui retrouver, ou alors vous allez investir et lui racheter des nouvelles dents. On va pas le laisser comme ça, on est d'accord. On va pas acheter des nouvelles dents. Hein. Non. Et alors il va faire comment alors? Si on n'a pas preuve que ce sont des dents de votre père. Hein. Ah. Mais alors comment on fait pour prouver que c'était ses dents? Avec ses dents, il a des dents de mine.

C'est quand on n'y croit plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous. Lundi au vendredi, 17h-20h. Retrouvez Audrey, l'animatrice préférée des petits lapins et des coquelicots sur Fun Radio. About to land, after years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. How to fly, you drove my hand. Save me, save me. Shoot me down, blow me down. Save me, kill me. Shoot me down, blow me down. Save me, save me. Ce sont les offres Perfect Mood, des parfums à prix rond qui mettent tout de suite de bonne humeur. Venez vite les sentir ou commandez sur icipareilxl.be. Dans quelques minutes sur Fun Radio, on va appeler quelqu'un qui s'est inscrit pour repartir avec son overboard. Il faut envoyer Fun, F-U-N, barre SMS au 6322 pour 1€ le message. On se fait le tirage au sort juste après l'actu avec Carlo Morello. Bonsoir Carlo. Hello Audrey, salut à tous. Le personnel d'ING est toujours sous le choc après l'annonce faite lundi par la très cynique direction de la banque néerlandaise de supprimer 3158 emplois en Belgique d'ici 2021, dont environ 1700 licenciements secs. C'est du jamais vu, s'est exclamé El Kamas du syndicat chrétien. On ne peut pas laisser passer ça, dit-elle. Alors je ne sais pas si ça suffira à inciter le big boss d'ING qui trouve cette situation tellement excitante. Je ne sais pas si ça va suffire donc à lui faire faire machine arrière. Toujours est-il que les syndicats d'ING ont appelé le personnel à venir en masse ce vendredi à 9h du mat devant le siège social de la banque avenue Marnix à Bruxelles. Et ce n'est qu'après cette manif doublée d'une grève que les syndicats accepteront de rencontrer la direction. Notez que cet appel est lancé au-delà d'ING. Un délégué syndical rappelle que tout dernièrement, les assureurs AXA et PNV ont également annoncé des pertes d'emplois massives. Et on peut supposer que dans les autres banques ou banques assurances, de telles mauvaises nouvelles finiront par tomber également. C'est tout le secteur qui est concerné. Et si le meilleur allié de Donald Trump dans sa course à la Maison Blanche s'appelait Clinton, mais pas Hillary, hein, Bill, le mari de Madame, celui qui a occupé le bureau ovale pendant 8 ans à la fin du XXe siècle, J'ai failli dire le bureau Aval, ce qui pourrait amuser ceux qui se souviennent de Monica Lewinsky, hein, mais passons. Bref, Bill Clinton donc a mis son épouse dans l'embarras hier en qualifiant le système de santé actuel de complètement fou. En gros, ce qui le dérange, c'est que depuis la réforme du système, les petits indépendants qui bossent jusqu'à 60 heures semaine finissent par payer deux fois plus qu'avant pour bénéficier d'une couverture maladie. Or, rappelons-le, cette réforme, on la doit à l'actuel président Barack Obama, d'où son nom, Obamacare. Et Barack Obama, elle est démocrate comme Hillary Clinton, donc Bill a lourdement critiqué son propre camp. Et vous pensez bien que Donald Trump a sauté sur l'occasion, hein, lui qui tente depuis des années de faire abroger cette réforme. Je parie que Bill Clinton a dû passer une mauvaise soirée hier, a déclaré Trump, mais je veux le remercier d'avoir été honnête. Fin de citation. Et si le meilleur allié de Donald Trump dans sa course à la Maison Blanche s'appelait Julian Assange? Julian Assange, bah, c'est celui qu'on peut considérer comme le premier lanceur d'alerte de l'histoire d'Internet, via son site Wikileaks, lancé il y a 10 ans. Et à l'occasion de cette annif, il promet de nouvelles révélations avant le scrutin présidentiel de 8 novembre. Révélations qui viseront en particulier Hillary Clinton, non pas parce qu'il souhaite que Trump soit élu, mais dit-il parce que c'est elle qui est la plus exposée actuellement. Mais des révélations explosives, Assange en promet d'autres sur Google, les armes, le pétrole ou la surveillance de masse, comme dirait le big boss d'ING, tout ça est très excitant. Rappelons enfin que Julian Assange est reclus depuis longtemps dans l'ambassade d'Équateur à Londres, vu qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par la Suède pour une affaire de mœurs. Fun. Fun Radio. Shoe Discount fête cette année ses 50 ans. Et c'est bon à savoir car il y a de super réductions sur une foule d'articles et des superbes prix à gagner. Ça, c'est bon à savoir. C'est votre dernière chance de vous inscrire là si vous voulez repartir avec l'Overboard. C'est maintenant que ça se passe. Je vous laisse 3 minutes top chrono pour le faire. Vous envoyez maintenant FUN, F-U-N, par SMS au 6322 pour 1€ le message. On se fait le tirage au sort après le son de Kungs et de la météo, Carlo. Ouais, on entre de plein pied dans l'automne avec des températures demain qui ne dépasseront plus les 10 à 12 degrés. Et j'en vois autour de moi qui sont contents. Tant, le prochain rendez-vous en show dans une heure. Je vous laisse en compagnie d'Audrey et du son de Kungs. Salut. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Si Rémi avait fait appel à l'Happy Hour, il lui aurait sûrement trouvé une famille. En cas de problème, un seul numéro. Celui de l'Happy Hour avec Audrey. 17h-20h sur Fun Radio. I'm gonna wreck you back. C'est la Happy Hour sur Fun Radio avec le son de Galantis qui arrive. No Money, il y aura aussi du Kanye West et puis le tout nouveau Julian Peretta. Rien que pour vous, ce sera juste après le Dis-moi pas que c'est pas vrai. Mais non. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Toutes ces questions que vous vous posez depuis tout petit sans jamais avoir de réponse, grâce au Dis-moi pas que c'est pas vrai, c'est fini. Ouais, enfin d'abord, je vais quand même poser la question. Il va falloir essayer de retrouver la réponse. Attention, je vous ai préparé une petite colle aujourd'hui dans l'équipe. La question est, et vous jouez aussi hein, de l'autre côté de la radio, 3044 pour vos messages. Est-ce que vous savez pourquoi il y a 52 cartes dans un jeu de cartes? Donc un jeu de cartes, quand tu joues à bataille et tout, il y a 52 cartes au total dedans. Mais pourquoi? Il y a une véritable raison à ça. Je savais même pas qu'il y en avait 52. Ah bah déjà, je vous ai pris un premier truc. Pourquoi il y a 52 cartes qui posent des questions comme non, ça? Non mais c'est cool, au moins on vous apprend des trucs là sur Fun Radio. Vous rentrez à la maison, puis vous pouvez vous la péter en rentrant. Eh, t'es pas quoi? Est-ce que dans les 52 cartes, tu as compté les jokers? J'ai compté les jokers. Bah oui, ça fait partie des cartes. Bah oui, il y en a 52 au total. Il y en a 50. Et le mode d'emploi, est-ce qu'il est considéré comme une carte? Bon, pas de mode d'emploi. Quelqu'un veut bien essayer de me trouver la réponse? Fab. Eh bien, ma petite Audrey, moi personnellement, je m'en bats royalement les steaks. Pardon? Je m'en fous, je sais pas pourquoi. Il est con celui-là. Oh là là. Attends, laisse-moi réfléchir. Tu sors. C'est drôle hein, ça. Et moi aussi, allez, je m'en bats. Allez hop, dehors. Moi, allez. Dehors. Ouais. Vous êtes même pas drôle d'abord. Ouais, c'est ça. Allez, bah si, ça sera allez, peut-être c'est un peu plus aussi. Drôle. Attends, on va essayer, c'est sûr. Sandro, à ton avis, pourquoi il y a 52 cartes? Bah, c'est juste pour faire chier celui-là qui mélange. Parce que, enfin, tu vois, quand tu mélanges, c'est toujours compliqué. Mais c'est vrai que tu essayes de le faire comme le gars du casino, là, tu vois. Faire des vagues et tout, mais ça, non, ça marche pas bien. Hein. C'est ça? Non, c'est pas ça. Ah. Alison, au standard, à ton avis? Bah, parce que si on jouait à la bataille avec moins de 52 cartes, ça irait beaucoup plus vite. Ça y est, elle est repartie, l'intello, elle commence à me mettre une embrouille dans ma tête. Non, c'est pas ça, de toute façon, c'est bon, essaye pas de nous embrouiller avec tes trucs d'intelligente, hein, d'accord? J'essaye. Non, il y a une raison vraiment super simple. Vraiment, il y a un truc super facile, il y a une raison. Pourquoi est-ce qu'il y a 52 cartes dans un jeu de cartes? C'est dingue ça, vous avez pas d'idée dans l'équipe. Réfléchissez un tout petit peu. 52. Essayez de faire un effort. Et vous aussi, de l'autre côté de la radio, 3044 pour vos messages, montrez-moi que vous êtes plus fut-fut que l'équipe quand même. Ouais, il y a aucun rapport, il y a même pas de rapport avec genre il y a 12 mois dans l'année. Ou tu vois, il y a aucun rapport. On s'en rapproche. Ah ouais? On s'en rapproche. T'as été voir sur Wikipédia? Non, du tout. On s'en rapproche, mais c'est quand même pas encore ça. Hein. Ah. Bon, bah 52, ah, ça fait pas 12. Pas, pas t'as 12 mois, mais t'as 52 cartes, donc ça marche pas. Mais c'est presque ça. Ça chauffe. Et c'est en rapport avec le calendrier. Est-ce que c'est une technique d'addition, de calcul et de... Non, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Genre parce qu'il y a aussi 7 jours dans la semaine, plus les 12 mois, plus... Non, c'est pas ça? Alors, jamais de la vie, je crois que c'est toi qui a réfléchi à ça tout seul. Laisse tomber. Mais c'est pour ça, je... T'as déjà du mal à faire 1 plus 1 et tu viens me sortir un théorème de Pythagore à l'antenne. Laisse tomber. Ah, il y a un auditeur qui a trouvé par SMS au 3044. Ah ouais, ouais. Bon, d'abord, on me dit il y a 2 jokers. Bah oui, mais je les ai comptés dedans, t'inquiète. Il y a 52 semaines dans un an. 52 c'est ça en fait. Le jeu de cartes, il est basé sur le calendrier, donc notre calendrier à nous. Donc t'as 4 couleurs pour les 4 saisons de l'année. Ouais. D'accord. T'as la pique, cœur, t'as carreau et trèfle. Voilà. Comme Vivaldi. Comme Vivaldi, si tu veux. Et en fait, ça, eh ben, c'est ça correspond aux saisons dans l'année. T'as 12 figures pour les 12 mois. Ouais. Donc la dame, le roi, le valet, le l'as, ouais, mais fois le 4. Joker. Voilà, fois 4. Et puis 52 cartes pour 52 semaines. Et la somme de tout ça, ça fait 365 jours. Et voilà. C'est qui le mec qui s'est fait chier pour inventer ça? Je sais pas, mais en tout cas, il avait autre chose. Ouais, il avait que ça à faire. C'est bien pensé. Il y a un gars, il a inventé ça, puis il y en a un autre qui a dit on va jouer à paquet de merde. Tac, tac, tac, j'ai gagné. Oh ouais, attends, il y a quoi comme jeu de cartes? Les trucs cons qui fait jouer. Valet qui pue. Valet qui pue, le tas de merde, ça c'était cool. Il y en avait d'autres. Le solitaire. Oh, bataille, moi je kiffe bataille parce que c'est pas très compliqué. C'est quoi, vous, votre jeu préféré là de l'autre côté de la radio, le jeu de cartes que vous kiffez grave? 3044 pour vos messages, on vous prend à l'antenne. Après le son, c'est bon ça. Kanye West sur Fun Radio. Ouais, ma biche. She take my money. Hi. Well, I'm in need. Yeah, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger way over town that digs on me. She give me money. Now I ain't saying she a gold digger. Yeah, I'm in need. But she ain't messing with no broke niggas. She give me money. Now I ain't saying she a gold digger. Yeah, I'm in need. But she ain't messing with no broke niggas. I got a weed. Get down, girl, go ahead, get down. With a baby Louis.

J'espère que votre soirée se passe bien. Là de l'autre côté de la radio, on la passe ensemble hein, sur Fun en mode Happy Hour jusqu'à 20h avec vous, avec toute l'équipe. Moi c'est Audrey, il y a Fab, il y a Sandro qui est là et aussi, et puis Alison et François qui sont en standard. Comment on fait pour vous joindre les copains? Alison, c'est quoi le numéro? 02 851 4x0. Et ça fonctionne aussi par SMS 3044 pour vos petits messages. La suite du son Dance Floor, c'est avec The Chainsmokers que ça se passe. Il y aura aussi le tout nouveau Julian Peretta. Avant ça, je vous l'ai promis, on va appeler maintenant chez quelqu'un, attention, qui a envoyé Fun, F-U-N, Fun Radio, le son Dance Floor. C'est nous. SMS au 6322 pour un euro le message. À la clé cette semaine, l'Overboard, le cadeau que tout le monde veut choper, le truc qui coûte une blinde et surtout le truc que tout le monde veut quand t'es un peu paresseux, tu vois. Et ouais, tu veux pas trop marcher, tu veux pas trop bouger ton gros cul. Eh bah parfait, l'Overboard, c'est le truc qu'il te faut. Fab, par exemple, dans la vie, tu devrais avoir un Overboard. Eh ben oui, eh ben non. Eh ben je ne peux pas avoir d'Overboard. Pourquoi? Parce que l'Overboard, il interdit au gros. Ah oui, un poids maximum. On est sûr de ça? Ouais, mais tu dépasses. C'est pas plus de 100 kilos. Mais j'allais dire, tu pèses combien, tu fais 100 toi? Kilos, toi? Ouais, je dépasse moi les 100 kilos, mais vous vous rendez pas compte le nombre de muscles qu'il faut marcher cette machine qu'elle a. Genre quoi. Bon, on fait sonner maintenant, c'est parti. Si ça décroche, eh ben l'Overboard est gagné. Ah, je vois que vous êtes plusieurs à essayer de le choper là aujourd'hui. Vous avez bien raison, 18h17, il y en a déjà plein qui sont en train de préparer le repas, qui sont déjà plus dans leur bagnole. Bah, c'est le moment ou jamais de jouer. Hein. Donc, on va voir si ça décroche. Hier, on n'a pas eu de chance, on a eu deux répondeurs. C'est pas faute d'avoir essayé de le filer le overboard. Hein, on veut s'en débarrasser, on veut les donner et les gens, ils veulent pas. Ouais. On dirait ils veulent pas nos cadeaux. Il faut se greffer le téléphone, les copains, quand vous jouez. Hein. Attention, est-ce que ça va décrocher? Là. 18h18, on est en direct. Alors. Là. Mais non. Attends. Là. Ah voilà. Désolé. Ça va, raccroche. C'est bon, je l'avais dit. Qu'est-ce que je vous avais dit avant de commencer l'émission? Tu vas voir qu'on va avoir un répondeur. Ouais. Bah voilà, 18h19, hop, premier répondeur. Ça fait plaisir les copains. Bah du coup, pour celui qui veut vraiment. Mais je parle à celui qui le veut vraiment, celui qui rêve de l'Overboard. Si t'écoutes Fun Radio maintenant, bah c'est maintenant ou jamais que tu peux jouer puisque personne ne décroche de toute façon. Fun, F-U-N, barre SMS au 6322 pour 1€ le message. C'est ce que t'envoies maintenant. Je laisse le temps du son de Chainsmokers maintenant qui débarque sur Fun Radio et puis de Julian Peretta. C'est une nouveau. Côté là, rien que pour vous sur Fun Radio. Et après, on refera un petit tirage au sort. J'espère que ça va décrocher. Bonne chance, tout le monde. Bruno dans la radio. Ce matin, c'était ça. Allô, Noan. Allô. Est-ce que tu sais qui je suis? Oui, c'est Bruno Guillon. Ne sois pas bête et finis ton assiette. Noan. Quoi? Manger, c'est important, ça va te permettre de bien grandir. Ouais. Pendant un mois, oui. Tu manges midi et soir toute ton assiette sans recracher, sans vomir. D'accord. Et en échange, Noan, je t'offre une PlayStation 4. Ouais, trop cool. Bruno dans la Bruno dans la radio. Bruno. Reviens demain sur Fun Radio. Bonjour madame, je viens pour me faire couper les prix. Ah, vous avez de la chance, chez Pearl Opticien, on coupe justement les prix en deux sur toutes les lunettes, vert basique inclus. Et vous les coupez comment? En dégradé? On les coupe comme vous voulez, mais toujours en deux. Bien dégagé derrière le portefeuille, je suppose. Oui, tout à fait, des prix coupés en deux. Magnifique. Pearl Opticien coupe les prix en deux. Profitez-en vite. 50% de réduction sur toutes les lunettes, vert basique inclus. Ça vous la coupe, hein? Pearl. Conditions sur pearl.be. Rêveur ou pragmatiste? Gagnez un relooking d'une valeur de 2 500 € et beaucoup d'autres prix. Conditions en magasin. Levi's, let's color. Le son Dance Floor. Fun. C'est Fun Radio. Fun Radio. Radio. We are a nation filled with desire. We are the sparks that relight the fire. The reason we're taking it higher is 'cause we're unified. Feel the sensation. We'll be right back.

don't, I will do it. Since you put me through it, give her what she deserves, 'cause I don't wanna cry for her. Anger told me that I couldn't get no sleep, and I don't think I wanna talk to jealousy. So karma, karma, come and do your part. Karma, karma, 'cause you broke my heart. And even though you're such a bitch, I need you now. Karma, karma, don't you let me down, don't you let me down. So karma. Julian Pereda à l'instant sur Fun Radio. Oh là là. Et alors les deux là, c'est juste le top. DJ Snake et Justin Bieber, Let Me Love You, c'est ce qui arrive sur Fun. Il y aura aussi du Calvin Harris. Et puis dans le prochain quart d'heure, je vous cale du Jonas Blue. Mais d'abord, c'est le Vaché Time. Alors Vaché, comment vous décrire le personnage? C'est un monsieur un peu bizarre. Entre 6h et 9h dans Bruno dans la radio, le nouveau morning de Fun Radio, qui appelle des gens, mais genre juste pour les saouler. Le mec, il a que ça à faire quoi. C'est son activité number one. Il a fait quoi aujourd'hui, Sandro? Eh ben, vous connaissez tous le Seigneur des Anneaux. Le film? Ah oui, oui, ah oui, évidemment. Ah, avec Gollum. Voilà, vous connaissez tous Gollum. Frodon, Bilbo Sacquet. Attends, il est voilà. Con, il vient de dire Gollum. Bah oui, c'est Gollum. Gollum. Gollum. Bah oui, c'est pas Gollum. Bah Gollum, oh, Gollum, Gollum. Ouais, c'est pas Gollum, Gollum, c'est Gollum. Gollum, Gollum, Stastache, non, voilà. C'est ça. Non, non, laisse tomber. il s'est fait passer pour Gollum et vous connaissez. Gollum, bordel. Gollum. Vous connaissez Frodon? Frodon, ouais. Et il l'a trouvé dans l'annuaire en fait. Et du coup, il a appelé Frodon. Il a trouvé un monsieur Frodon? Exactement. Oh non. D'accord, normal. Et donc, du coup, il a demandé son aide. Allô? Oui, bonjour, monsieur Frodon. Oui. Je voulais vous dire que j'étais très en colère, car il va falloir me rendre ce que vous m'avez emprunté. Et sur le champ. Bah, je sais pas, on vous a emprunté quoi, monsieur? Le précieux. D'accord, ok. J'ai compris, ouais. Tu as le temps de faire des blagues et tout, hein, le Seigneur des Anus, tu t'es fous dans le cul si tu veux, les anneaux, d'accord? Stupide hobbit soufflé! Tu es enculé, allez, c'est bon. Mais il est pas gentil. Attends, j'adore le mec, le Seigneur des Anus, tu te le fous dans le cul. Merci beaucoup, c'est classe, merci beaucoup. C'est quoi le précieux en fait? J'ai pas vu le film. C'est l'anneau. L'anneau? L'anneau, enfin c'est l'anneau que Frodon il doit porter. En fait, le titre c'est Les Seigneurs des. Anneaux. Ah, par contre, ça a bien vu les copains. C'est beau, ça, Vaché Time tous les matins entre 6h et 9h sur Fun Radio. Le son d'Ensoir se poursuit avec DJ Snake et Justin Bieber. Bienvenue tout le monde. We were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love. Calvin Harris. Nouveau tube Fun Radio. Tous vos tubes préférés commencent sur Fun Radio. Le son. Why wait to say, at least I did it my way. Lie way too faced, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Que c'est l'heure, c'est le moment de filer l'overboard. Bah oui, je vous l'avais promis, juste après il y aura le son de Jonas Blue, Perfect Stranger. On va se faire aussi du Hardwell, hein. C'est le nouveau qui arrive sur Fun Radio. Bon, vous avez été nombreux hein, à envoyer Fun, FUN, par SMS au 6322 pour essayer de repartir avec l'overboard. Je comprends en même temps, c'est le cadeau que tout le monde a envie d'avoir. Oh là là, ça fait plaisir. C'est un chouette truc, hein. Bah oui, quand même. Bah oui. Il faut, tout le monde n'est pas comme moi. Obèse, il y a des gens qui peuvent en profiter. Mais enfin, Fab, arrêtez très bien. Non, toi, non, c'est pas logique quand tu me fais un compliment. Non. Non, qu'est-ce qui va arriver derrière? Rien. J'aime bien le rire. Toi, ça t'en dirait une vieille sorcière. Mais t'es une sorcière. Ouais, et je t'emmerde. Bon, on a quelqu'un qui est là, c'est Janina, qui vient de Châtelet. Bonjour, Janina. Bonjour, Fab Radio. Wow, tu m'as pété un tampon. Moi aussi, je criais. Janina, mais comment ça se fait que t'es en formage point, toi? Ben écoutez, en fait, j'étais en voiture en écoutant la publicité pour l'Overboard avec mon petit garçon. La publicité, disais, j'adore. Au revoir. Merci de nous insulter. Nous sommes donc une publicité. Bienvenue en 1980. Merci. Oui, mais bon. Nous ne sommes pas que des objets, Janina, ça va. Nous aussi, on a un cœur. On est humain. Ça va. On n'est pas que juste des produits marketing. Excusez-moi, je m'excuse. Non, mais vraiment, ça fait mal, quoi. Oh non, ne pleure pas. Non, je fais semblant. Janina, par contre. On va faire un truc, tiens. Merci, je sortais déjà le piano, j'étais en train de jouer. Musique triste, en fait. Non, allez, rentre chez toi, c'est fini. Attends, vas-y, mais mets ton piano, Sandro, je sens que t'es déçu. Vas-y, attends, on va mettre une ambiance ici. Voilà. Merci. Janina, tu sais, nous, on a vu ton petit message arriver par SMS au 6322 et ça m'a touchée au plus profond de mon cœur parce que oui, je ne suis pas qu'une publicité. Oui, moi aussi, j'ai un cœur plus profond de moi, mais très profond. Des fois, je le cherche, mais il est là. Et je me suis dit, bah, Janina, on va l'appeler, tu vois. Ouais, et on puis va là, faire plaisir à quelqu'un. Tu décroches et là tu dis qu'on est des publicités. Je fais toutes mes excuses devant. Ça partait tellement bien. Ouais, je sentais qu'il y avait un truc qui se passait. Qui nous écoutent que pour avoir des cadeaux. C'est ça. Qui s'en foutent de ce qu'on dit. On est que ça pour vous, hein. On est que d'accord. Ça, hein. D'accord. C'est ça, hein. Vous pensez qu'à ça, vous, hein. Vous voulez juste avoir des cadeaux, hein. Mais nous, on est là. Non, hein. Mais arrête, tu te fais du mal, Audrey. Attends, je vais sortir les violons. Ouais, vas-y, fais pire encore. Ouais, ça c'est bien ça. Attends. Ouais, parce que vraiment, nous, tous les jours, entre 17h et 20h, on se donne à fond. On bosse à fond pour vous, pour qu'on se marre ensemble. On était une famille. Vous êtes Arrête, tu me fais du mal, Audrey. Ils sont pas tous comme ça, ok. Moi, j'ai envie de croire en un monde meilleur. Accroche-toi, Audrey. Je n'y crois plus. Si, n'abandonne pas. N'insiste pas, je n'y crois plus. Pourquoi tu te rapproches de la fenêtre comme ça? Je vais sauter. Non, ne me retenez pas. Mais retenez-moi quand même. Est-ce que quelqu'un qui écoute cette émission l'écoute juste pour nous? Pas juste pour les cadeaux. Dites-moi 30-44 pour vos messages, pour me rassurer un petit peu, me dire qu'il y a encore des gens qui ont un cœur dans ce monde. Pas comme Janina. Janina. Non, mais moi j'ai un cœur, je participe jamais pour les cadeaux, c'est la première fois, donc je vous écoute vraiment pour l'humour. Ah, c'est bien. Janina, t'as joué pour qui? Pour mon petit garçon, Tiziano. Non, il a quel âge, Tiziano? 6 ans. 6 ans, oh, je suis mignon, tout plein, il va faire de l'overboard avant d'apprendre à marcher. Il a moins de 100 kilos? Oh, bah du. Enfin. Bah quoi, moi 6 ans, c'était limite. Janina, même si tu n'as pas de cœur. Nous avons une bonne nouvelle pour toi, c'est gagné! Merci, Fun Radio! Bravo! Merci, l'équipe Audrey. Félicitations, Janina, tu repars avec l'overboard pour ton petit bout, ça te fait plaisir? Ah oui, à fond! Surtout, je viens de le déposer au football et quand il va rentrer, bah, ce sera la grande surprise. Cool! C'est génial! Et maintenant, fais une petite vidéo quand tu lui annonces, comme ça tu viens la mettre sur la page Facebook de l'émission Happy Hour avec Audrey, d'accord? D'accord, je fais ça. On compte sur toi, sinon je t'envoie pas le cadeau. Hein. Non, je l'ai fait, Parfait, Janina, t'es un amour. Je te fais des gros bisous. Moi aussi, ça va te marier l'équipe. Bisous, Janina. Et j'adore parce qu'il y a Sandro, il a entendu que le fils de Janina s'appelait Tiziano. T'as vu la tentative. Il a cru qu'il était dans un film. Il nous tape Tiziano Ferro. Ok. C'est un petit hommage. Il est pas l'hypocona, gosa la casala, mais c'est ça. Non, arrête de massacrer la langue de mon peuple. Arrête. Ah, tu vois, des fois, tu peux insulter des gens en vietnamien. On a reçu le message au 3044. On dit si j'écoute Fun, c'est juste pour la charmante Audrey. Sois pas jaloux, Fab. Bim, me dis quoi, je suis obligée de vous écouter. Quand je joue, je gagne jamais rien. Malgré tout, je vous adore. Ah, bah merci, mon Nico, ça fait plaisir. Moi, rien que pour toi, Audrey, j'écoute aussi. Oh, ça me rassure. Franchement, j'ai eu peur avec Janina qui voulait juste du cadeau. C'est dégueulasse. Bon, on écoute quoi là maintenant, Sandro? Jonas Blue. C'est parfait. Perfect Stronger. Et tu t'applaudis tout seul? Mais oui, moi je m'applaudis. Merci. Oh mon Dieu, Je vous aime. Tous les soirs dès 22h sur Fun Radio. Ouvrez les portes du club, le plus branché de Belgique. C'est Before Party Fun. Ladies and gentlemen. 2 heures de mix avec les plus grands DJ belges au platine. Please welcome Tristan H, DJ Bass, Sir Leon, Magic Cat, Onsou, Flash, Maestro, Sacha DMB et Andy D. Venez faire la teuf du lundi au jeudi avec le son Dance Floor mixé de 22h à minuit. Before Party Fun. C'est sur Fun Radio, le son Dance Floor. Plus de data en poche, c'est toujours utile. Pour ceci, par exemple. Allô? Thomas, c'est maman. Tout va bien à la maison? C'est ma mère.

time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? This way, there's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Alors, c'est avec WNW. Eh bah ouais, je parle anglais, qu'est-ce qu'il y a? Je suis bilingue, moi, ici. Le nouveau Hardwell qui arrive sur Fun Radio, c'est Live the Night. Ça arrive juste après le coup de pouce. Petit garçon, Obama rêvait de devenir président des États-Unis. Un matin, il nous a passé un coup de fil. Et voilà. Yes, we can. Le coup de pouce de la Piawa. Ouais, bah, c'est pas compliqué, hein. Hillary Clinton, elle a qu'à nous appeler, et paf, et puis elle sera présidente des États-Unis. Mais par contre, Trump, il a téléphoné, j'ai pas répondu. Ouais, non, ça, on n'aidera pas, je sais pas pourquoi, mais ça va pas être possible. Pourquoi vous avez aidé François Hollande? Pourquoi on n'a pas non plus? Ah, non, Flubby. D'abord, tu l'appelles pas François Hollande, c'est Flubby. Ah, excusez-moi, Flubby. Il me fait rire, le gars, quand il parle, on dirait il est tout. On dirait pas, il est. Ouais, c'est un peu ça. Non, par contre, on va essayer d'aider Didier. Bah, Didier, qui vient de Charleroi, dit pourquoi je prends l'accent liégeois? J'arrive plus à faire l'accent Carolo. Ça va, mon Didier? Ouais, ça va très bien. Oh, bah, on a parlé. Ah, c'est bien, ça prend Didier. Eh, hey, Didier, ça va ou quoi? Eh, hey, Didier, tu viens de Charleroi 6000, représente? C'est ça, ouais. De Charleroi même. Mon Didier, t'as envoyé un message sur la page de l'émission Happy Hour avec Audrey parce que t'as besoin d'un petit coup de pouce pour du boulot. Alors explique aux auditeurs ce que tu recherches, vas-y. Ben, je cherche une travail dans le bâtiment. Ouais. Je suis ouvrier polyvalent. D'accord. Donc tu sais faire de tout, mais genre par exemple Maçonnerie, peinture, menuiserie. Ouais. Et t'as déjà bossé depuis longtemps dans le domaine ou alors t'as de l'expérience? 20 ans. Ah oui, quand même. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est cool ça, un ouvrier expérimenté en plus, c'est génial. Et Didier, tu cherches dans quel secteur? Le Charleroi ou un peu plus loin? Dans quel secteur? Enfin, dans quelle localité? Dans la région de Charleroi. Ouais. J'ai pas de véhicule. D'accord. Il y a beaucoup de travail à Charleroi pour ça. Bah ouais, mais c'est ça. Ouais, c'est pas facile de trouver du boulot comme ça, c'est clair. Ma malheur, mais alors si on vient me chercher, on me donne un rendez-vous par exemple à la gare de Charleroi. Ouais, c'est ça. T'es prêt à te déplacer un petit peu, quoi. Mais ouais, bon, faut juste t'aider trop, un minimum. Parce qu'il fait froid, mais. Tu cherches pour bosser à partir de quand, mon Didier? C'est genre tout de suite? Tout de suite, ouais. Ça fait... déclaré parce que en noir. Bah ouais, c'est ça, tu m'étonnes. En même temps, tu sais, je vais pas dire à la radio qu'on cherche quelqu'un pour du noir. Donc, qui veut bosser sans payer des cotisations, hein, allez-y. Ça sent le fait quand même. Un gars de Charleroi qui veut travailler et qui veut pas bosser en noir. Bah, ouais. T'es sûr que tu viens de Charleroi, toi? Mais enfin, c'est quoi ces clichés? Bon, Didier, on va lancer l'appel à l'antenne de Fun Radio maintenant. Si quelqu'un écoute l'émission et qu'il est à la recherche d'un ouvrier expérimenté, en plus, c'est cool, hein. Plus de 20 ans d'expérience, c'est génial. Dans la région de Charleroi, et bah, vous nous envoyez un petit message maintenant au 3044 et puis comme ça si on peut aider notre Didier là, un auditeur fidèle de la Pior, bah ça nous ferait plaisir. En plus dites-vous franchement que pour le moment trouver du boulot c'est chaud patate quoi. Donc si vraiment on peut l'aider Didier, ça serait vraiment cool. 3044 pour vos petits messages. J'espère qu'il y en aura. Didier, tu restes avec nous le temps de s'écouter le nouveau Hardware. Allez. With our new single. Ton voiture préféré commence on Fun Radio. Next. Radio. Maintenant chez Ici par XL, ce sont les offres Perfect Mood, des parfums après rond qui mettent tout de suite de bonne humeur. Venez vite les sentir ou commandez sur iciparxl.be. Il est 19h, bienvenue sur Fun Radio si vous venez de nous rejoindre. Il y aura du Pit Bull avec Floraida côté son dance floor, on va se faire un petit cheese code aussi. Et puis Will.i.am, c'est ce qui arrive dans le prochain quart d'heure, juste après l'actu de Carlo. Bonsoir Carlo. Salut Audrey, salut à tous. Je vous parlais il y a une heure de la grève et des actions que comptent mener les syndicats d'ING ce vendredi. Pas besoin de vous expliquer pourquoi, j'imagine. Par contre, faut peut-être rappeler que les syndicats, et là je parle des syndicats en général, avaient envisagé une grève générale à cette même date du 7 octobre. Grève qui a finalement été suspendue dans l'attente des décisions budgétaires du gouvernement, et vu les mauvaises nouvelles auxquelles il faut s'attendre, bah vous pouvez sans doute remplacer le mot suspendu par reporté. Et encore, ce report est très relatif, hein, parce qu'il y aura bien des mouvements de grève après-demain, mais au niveau sectoriel, donc pas général. Les actions ciblées avec préavis de grève donc seront notamment menées dans la sidérurgie, le textile, le secteur alimentaire, du nettoyage, du gardiennage. Et on annonce aussi des perturbations dans le Tech-Wallon et dans certaines écoles, vu que les profs sont invités à participer une manif du secteur public ce vendredi matin dans les rues de Wavre, la ville du Premier ministre Charles Michel. Et puis si 17 trains ont été supprimés hier en Belgique, si 411 autres ont été retardés et si le transport de marchandises a été perturbé également, ce n'est pas en raison d'un mouvement de grogne des cheminots, c'est parce qu'une grue est tombée sur une ligne à haute tension, ce qui a provoqué une grosse coupure de courant autour de Le Saint-Pierre à Les Buzzingen. Les retards cumulés suite à ce petit problème technique ont avoisiné les 6000 minutes. Je vous ai parlé d'un virus informatique hier qui circule via Internet, mais aujourd'hui il est question d'un virus qui circule par voie aérienne, vu qu'il touche surtout les merles, les chouettes et les hiboux. Virus qui nous vient d'Afrique et a reçu le doux nom d'Ouzoutou. Et je vous en parle, c'est parce qu'il vient d'arriver chez nous, en Belgique. On a retrouvé une soixantaine de merles morts dans le Limbourg, à 35 bornes au nord de Liège. Un appel à la vigilance a donc été lancé par l'ULG afin de récupérer les animaux morts qui seraient trouvés par les chasseurs ou les ornithologues. Notez que ce virus n'est pas dangereux pour l'homme, mais mieux vaut éviter de toucher ces animaux à main nue. Hein. Les personnes qui découvriraient un oiseau décédé, surtout un merle, ont prié de contacter l'Université de Liège au 04 366 40 62. Je répète, 04 366 40 62. Enfin, le prix Nobel de chimie a été attribué à trois personnes. Aujourd'hui, un grand classique, hein, comme le prix de physique hier. Celui de médecine, par contre, lundi, n'avait récompensé qu'un seul chercheur. Alors, parmi les lauréats du jour, un Américain, il en fallait bien un Hollandais et un Français, Jean-Pierre Sauvage. Récompensés tous trois pour leurs travaux sur la synthèse moléculaire. Ils ont en fait créé des molécules dont le mouvement peut être contrôlé, ce qui est très fort. Hein. Et le jury Nobel a expliqué que les machines moléculaires seront très probablement utilisées dans le développement d'objets comme les nouveaux matériaux, les capteurs et les systèmes de stockage d'énergie. Fun. Fun Radio. Shoe Discount fête cette année ses 50 ans. Et c'est bon à savoir car il y a de super réductions sur une foule d'articles et des superbes prix à gagner. Ça, c'est bon à savoir. La suite du son dance floor, c'est avec Pitbull que ça se passe, featuring Floraida. C'est ce que je vous cale juste après la météo. Carlo, c'est quoi le programme? Demain, les températures seront encore un petit peu plus basses qu'aujourd'hui, entre 10 et 12 degrés, pas plus. Mais nous devrions encore avoir l'occasion de voir le soleil. Voilà, tous une excellente soirée. Je vous retrouve demain matin à 5h30 et vous laisse avec, avec Audrey, bien sûr, et le son de Pitbull et Floraida. Salut. Fun Radio. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. Yeah. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Mr. 305, Flow Rider and Lunch Money. Three Miami boys, you know what time it is. Give me the green light. Oh, yeah. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. To make it ooh, ah, hear you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. I say and say what I mean. Now let me jump in between. I'm getting loose in this thing, like OJ the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is mommy for you to give me the green light, so I can run through it like an easy pass. Find a G spot and step on the gas. Woo! Give me the green light. Oh yeah. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. I'm ready, pull up on her with the Chevy. Real talk when the light turn green. Lego. Give me what I asked for. I got a passport, Mr. International. I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest. Arena Venus, flow a genius. Smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this. That 200 on the dash got me fiending. So I'm trying to ride out. Take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. What you waiting for? Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. What you waiting for? You only got one life. And we gon' live it up. So give me the green light. Avec vous là sur Fun Radio, 19h08. On reste avec vous jusqu'à 20h avec encore plein de conneries dans l'émission. On va se faire les infos qui servent à rien. On aura encore de l'overboard à vous filer. Et puis avant ça, on va vous dire votre avenir grâce à l'horoscope de Fab. Je vois. C'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. Côté son des fleurs, il y aura du Will.i.am. Et alors, big up à Fabien là, tu sais, qui anime l'après-midi sur Fun Radio. Il m'a envoyé un petit message privé parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'on allait écouter She's Code. Bah, un peu de fromage. Il m'a dit, du coup, j'ai envie d'un burger de ta faute. C'est évidemment Cheat Codes. J'arrive pas à le dire, moi, ce truc-là. Cheat Code. Cheat. Comme du cheat. Cheat Code. Oui, voilà, oui. D'accord, bah, Cheat Codes qui arrive côté son Nesfleur et ils n'ont pas de Cheat Code. Bon, avant ça, on va vous dire si vous êtes quelqu'un de courageux. Vous voyez quand il y a un peu une grosse migale ou une grosse. Enfin, migale, c'est pas probable, mais une grosse araignée qui vient dans votre maison. Est-ce que vous êtes du genre à l'écraser comme un vrai, tu vois, genre. Moi, je la mange. Tu la manges, ouais, c'est tranquille. Ça. Comme dans Koh-Lanta. Ou alors, est-ce que vous êtes du genre à aller vous cacher dans les chiottes, tu vois, genre quand t'as trop peur. Ça, c'est moi. C'est ce qu'on va vous dire maintenant, les béliers. Vous êtes super courageux. Vous pourriez aller dans une banque du sperme et faire un don juste avec une photo de Suzanne Boyle. Oh non. Violence, les taureaux. Le courage et vous, ça fait deux, comme les mots Kim Kardashian et une collection de bijoux. Gémeaux. Tous les jours, vous faites preuve de courage. Et croyez-moi, il en faut beaucoup pour sortir de chez soi avec votre tête. Les cancers. Je ne peux pas dire que vous soyez vraiment courageux. Vous avez jeté votre iPhone à cause de Siri parce que vous avez extrêmement peur de la guerre. T'imagines, tu crois qu'il y a des gens qui ont déjà fait ça? Je suis sans sûr. Doute, sans doute. Bah ouais, c'est sûr que ouais. Les lions. Vous devriez avoir votre photo à côté du mot courageux dans le dictionnaire. Malgré tout ce qui se passe pour le moment, vous restez supporter du standard. Standard. Non. Je dirais pas, laisse tomber, balance. Le courage, vous savez même pas ce que ça veut dire, ni même comment ça s'écrit. Les scorpions. Si à l'époque des soldats avaient été aussi courageux que vous, on parlerait tous allemand, mais non. Sagittaire. Vous êtes tellement courageux que quand vous allez chez Ikea, vous êtes le seul à demander le mode d'emploi en version originale non sous-titrée. Et ça, mais c'est vrai, ça. Non, mais ça, c'est quand t'as peur vraiment de rien, de rien. Quoi. Le mode d'emploi d'Ikea, c'est pas possible, ça pourrait être une épreuve de Koh-Lanta. Laisse tomber. Les capricornes. Vous n'avez peur de rien, vous êtes tellement courageux que quand des témoins de Jéhovah sonnent chez vous, eh ben vous ouvrez. Les Verseaux. Vous êtes tellement courageux que vous oseriez monter en voiture avec Paul Walker. Oh. Et on termine avec les poissons. Vous êtes le plus courageux de tous. Vous arrivez à regarder un film des frères Dardenne en entier. Voilà. Joli, ça s'applaudit. Tout ça, quelle performance. On va se faire le son de Cheat Code.

Fever continue sur Fun Radio. C'est Môme qui débarque dans un instant avec Aloha. Il y aura aussi le nouveau Fifth Harmony. Et allô? Allô? Aloha? Allô? Aloha? Ah, c'est toi? C'est... Oh, oh, ça va? Ça va? Bien. Battle Sound, le jeu qui va te faire réfléchir, rigoler et chanter. C'est maintenant dans la pierre. Vous voyez que je réagis même plus, hein. Bah, c'est tellement bon. C'est-à-dire que je pourrais m'interpeller, drôle. Tu vois. Bah, pourquoi t'as l'air fâché? Parce que c'est quoi ça? Vous faites que des conneries, quoi, sérieux? Allô? Oh, ça y est, vous. Oui. Allez, me saoulez pas. Comment vous m'énervez, je peux plus vous blairer. On a Marie qui est là, qui vient de veiller. Genre, bonjour Marie, comment ça va? Ça va et toi? Non, bon, c'est bien, t'as l'accent, j'adore ça. Marie, ça c'est une vraie liégeoise, ça, comme je les aime. Marie, du coup, je suppose que t'es un peu bonne comme ça. Je suis un peu quoi? Un peu bonne. Un peu sourde surtout. Bah, ça, c'est très subjectif, j'ai envie de dire. C'est vrai, ouais. on dit souvent quand même que les liégeoises sont juste canonissimes. Quoi. Ouais, jusqu'à ce qu'elles parlent. Enfin. Il s'en va, tu m'offras vire. J'ai eu le coup une fois comme ça en soirée, une fille super belle, puis je m'approche d'elle et puis elle parle et j'ai fait bonne soirée. Non, mais le pire, moi, c'est mon meilleur pote Marie, je te jure, ça s'est passé à Liège. C'est une. Fabien, laisse son espoir, on est pas. Parler les gens. Dis ça à mon tour. Bah oui, tu vas te calmer, Marie. Marie, chacun son tour. Avec les Kouma, laisse les Kouma et les Kouma. Non, bah c'est qui? Allez, les trois lettres là. MHD, MHD, ah, oui, MHD. Ça marche, Zao et MHD. Laisse les Kouma. Ça fait donc un point pour Fab et un point pour Marie. À toi, Marie. Laissez passer les rêves. Laissez passer les rêves. Et c'est quoi ça? C'est un truc de France Gall, je pense. De France Gall? Attends, j'ai mon vieux stagiaire François qui confirme. François, quel âge, on rappelle? 23 ans. 23 ans et le gars il connaît. C'est un liégeois aussi, tu l'entends? Ah, bah oui, ça s'est passé hier, Maître Gims? Bah oui. Ah, il y en a ça, ouais. Juste laisser passer. Ouais, vas-y, fais quoi? Ah ouais, bien vu ça! Mais lui, il crie quand elle le dit. Trois points pour Fab. Attention, Marie, à toi. Et ça devient chaud, hein? Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. Elles sont en groupe, les liégeoises. C'est toujours comme ça, même aux chiottes, elles vont toujours en groupe. Exactement. Marie, félicitations. Tu raccroches pas, on va prendre tes coordonnées et te filer ton cadeau, d'accord? Super, merci. Bon, bisous les filles, bonne soirée. Oui, bisous. Bisous, j'adore. Hey, je fais une soirée pyjama, cool. Oh, bonne nana. Ah, ça y est, ça va. Je peux ramener les pizzas. Non, c'est bon aussi. Tu peux mettre le son de Môme, ça tu peux faire avec Aloha. Il y aura aussi du Fifth Harmony. Et puis, si vous voulez venir jouer avec nous aux infos qui servent à rien, bah allez-y, vous inscrivez, vous envoyez jeu par SMS au 3044. Allô? Tous les soirs, dès 20h, branchez-vous sur Fun Radio. C'est Fun Radio Connected. Passez vos messages, vos coups de gueule. Ou venez délirer. Fun Radio Connected, 20h-22h, avec Dylan, c'est par SMS, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat ou au 02-851-4x0. Prix d'un appel local. Fun Radio Connected, tous les soirs, dès 20h, c'est sur Fun Radio. Le son dance floor. Maintenant, ce sont les jours fous chez MediaMart. Ils deviennent complètement dingues. Achetez un PC portable et vous pourriez avoir la chance de faire partie des 300 gagnants à être intégralement remboursé. C'est totalement dément. Conditions dans nos magasins et sur MediaMart.be. MediaMart, je ne suis pas fou. But I like this fun. Fun Radio, we got them on. It sounds hot. Fun Radio. Why I'm out to earth. No sé dónde. Dónde. Se me voy por ti veo. Dónde dónde veo. Se me dañe un creo. Se me van, se me van, se me van, se me van, van, van, van. Evanesces buns, van, dun, dun. Bet you wanna taste it. Bun bun, bet you wanna taste it. The ditch it to dun dun dun. Bun bun, evidence is buns bun. Dun dun, bet you wanna taste it. Bun bun, bet you wanna taste it. The ditch it to dun dun dun. King, get it, I just sneak on. I don't matter. blind right? Am I blind right? Ne yapmasam da kurca kurtum dün sevmem ki perdoy fıt ya fıt ya high. Gonna be alright. Bounce the ritter at the bus in your cause my time has come with the bus in. Put down my boss in us and I high and I high and I low. Chuck and pass my muscle. Sim, I keep you buzzing. Will it try to do the straight and boost? Can I get back on the roof? Prish, I'm on the sea, I'm on the sea. I'm on the sea, I'm on the sea. Une belle dose d'Audrey, un zeste de Sandro et une petite rondelle de Fab et tu as un cocktail de dingue. Retrouve Audrey et toute l'équipe de l'Happy Hour du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. So lover, which way have you moved? It's been a while since I've had this groove. Cosmic love gave you something gold. So you wrap it all up and take it away. The unknown now. New music. Sec, découverte Fun Radio. Bienvenue sur Fun Radio si vous venez de nous rejoindre. On est en direct, 19h31, on reste avec vous jusqu'à 20h. On va se faire les infos qui servent à rien là dans un instant dans la Piaware. Ça sera juste après le nouveau son des Fifth Harmony maintenant sur Fun. Que là, ça chauffe tous les mecs qui écoutent Fun Radio là. Ah, oh là là, la fin du son de Fifth Harmony, là, c'est chaud patate. Hein. On va sur le son de Felix Jane dans un instant avec Bonfire. Il y aura aussi Boussy et puis Mo pour la suite du son. Et puis quoi? Ah ben quoi, j'ai pas de jingle qui dit les infos qui servent à rien. Ben non, il y a plus de budget. Alors si tu veux, je peux le faire à la place de la voix officielle. Mais s'il vous plaît, ouais, je voudrais bien. Ouais, vas-y, attention, on fait genre. Ouais. Ou les infos qui servent à rien. Heureusement que les vrais jingles ils sont pas comme ça. Pourquoi? Je ne sais pas, laisse tomber. Les infos qui ne servent à rien, le principe est simple. On a fait des petites recherches sur des infos. Peut-être vous vous posez la question, bah nous on a la réponse. Il y a Tin, c'est ça qui va venir jouer avec nous. Bonjour Tin. C'est super original. Bonjour. Bah alors ça vient d'où Tin? Non, c'est mon nom de famille. Ah mais qu'il est con le nouveau stagiaire. Attends, allume son micro ouais, deux secondes. J'ai peur que ce soit la première boulette de François, ça bravo, se fait. Bravo. Bravo. J'ai peur que ce soit le frère. Je donne mon nom. Bah oui, qu'il est con. Bon, bravo François. Ça bien, ça me semblait que c'était bizarre. Bah oui, j'adore avec l'accent liégeois. C'est bien ce qui me semblait, ça me semblait bizarre. J'adore. Bon, du coup, c'est quoi ton prénom? Marc, Martin. Simon. Ah, Simon, bah voilà, je me disais aussi que Tine, j'avais jamais entendu. Les maths. Oula, ok. Sonner les matines, ok. Oui, il y a du niveau ici. Hein. Simon, ça ne va pas être possible. Bon, Simon, Fab va te poser des questions. À toi de répondre par vrai ou faux. Si tu arrives au moins à marquer deux points, tu repars avec du cadeau Fun Radio, d'accord? Ok. Ça attention, va. C'est parti. Première question. Ça va être chaud. Alors, première question, est-ce que le cornichon est un fruit ou un légume? Bah, facile. Bah, c'est quoi? Bah, attends, c'est Simon qui répond. Alors, Simon. Bah, Un fruit ou un légume, le cornichon? Un légume? Bah ouais, j'aurais dit ça, ouais, aussi moi. Bah, vous avez tous les deux perdu, c'est un fruit. Mais non, c'est un fruit. Eh ouais, c'est un fruit. Et qui descend de quel arbre, je te prie? Le et il pousse, et je sais pas, il descend du cornichotier. Du cornichotier. Mais il descend doucement, tu vois, parce qu'il est petit, donc si... D'accord, voilà. Mais donc c'est sûr, c'est bien un fruit. C'est un fruit, mes D'accord. infos sont 100% vérifiées. Magnifique. Donc, bah, lui-même. Attention, Simon, donc pas de points. Attention, deuxième question. Combien d'œufs peut pondre une poule en un an? 60, 300 ou 1000? Ah oui, quand même. 300. Ouais, c'est une bonne réponse. Ouais, c'est 300. Ouais, bravo. Bravo Simon. Un point pour Simon, 300 œufs par an. Ouais, une bonne pondeuse. Hein. D'avoir mal à la fin. Ah, je crois qu'elle sent plus rien à la ça fin. Ça peut dilater quand même. Ça tombe tout seul. Je viens souvent, j'ai pondu. Ça en pond un par jour, donc. Ouais, et monsieur est renseigné, ça rigole pas, Simon. Attention, ouais, ça te fait un point. Si t'arrives à en remettre un deuxième, tu repars avec du cadeau Fun Radio. Troisième question. Alors, combien de temps il faut pour faire le trajet de la Terre à la Lune en fusée? J'ai pas de fusée. 18 heures, ouais. Un jour ou 5 jours? Oh, oh là là. 18 heures, et c'est quoi la deuxième réponse? Un jour ou 5 jours? Bah, je dirais 5 jours. Eh ben, tu as bien fait de dire 5 jours parce que c'est la bonne réponse, ouais, mec. Ouais. Bravo! Ouais. Magnifique ça. En même temps, c'est des questions qu'on se pose jamais, quoi. Tu vois, tiens, je dois aller sur la Lune ce week-end. Combien de temps je vais mettre avec ma fusée spatiale? C'est pas possible, je pars lundi matin. Simon, félicitations. Ça te fait 2 points. Ça veut dire que tu repars avec du cadeau Fun Radio. On t'applaudit. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Quel talent, mon Simon. Qu'est-ce que tu vas faire de beau ce soir, Simon? Je vais aller dormir. C'est bien. J'adore parce qu'on dirait que c'est un truc secret. Bah, je vais écoute aller dormir. Hein. Arrête de me poser. À mon avis, aujourd'hui, je vais pas la faire tard. Je vais aller dans mon lit. Mais qu'est-ce que t'as fait hier soir, petit coquinou, que t'es fatigué aujourd'hui? J'ai travaillé comme un fou. Voilà. Oula. Il est tellement petit. Ça devait être tellement gros qu'il ose pas le dire, quoi, tu vois. Il y a du dossier. Il y a du dossier. Simon, repose-toi bien. En tout cas, on te fait des gros bisous. Merci d'être passé à l'antenne. Oui. Ça va, merci à vous aussi. Bonne soirée, Simon. Et quoi? Et qu'il a dit, Simon? Continuez comme ça, vous êtes super. Ah, merci, mon Simon. On te fait des gros bisous. C'est l'autre boyard qui coupe le truc avant les autres. Bah ouais. Enfoiré, bah ouais, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Simon, gros bisous. La suite du son, c'est avec Boussy, que ça se passe dans quelques minutes. Avant ça, je vous ai calé un petit Felix Jane sur Fun Radio. Bonne soirée, tout le monde. Around me, it hurts if I let all the poison in. If I let them when you're close my eyes and I just breathe. I just breathe. Hurts, but shit that doesn't kill you makes you strong. So bring it up when you're mad. Bitches, let them drinks, yeah, that's my fitness. Fuel to the fire, fuel to the fire. Run your mouth, you can run your mouth. Think you're rain from a fire out. Spin your hair, you feel better now. Fuel to the 19h continue sur Fun Radio. Allez hop, on sort les popcorns avec Boosty. Ah, ça me donne envie de bouffer ça. 19h40, c'est l'heure de manger là normalement, c'est honteux. On reste avec vous jusqu'à 20h, vous inquiétez pas, on va pas vous lâcher. Et à partir de 20h, bah, c'est Dylan qui débarque pour Fun Radio Connected sur Fun Radio. Dylan qui est en train de nous faire flipper dans le studio. Ah, oui. Le mec, il arrive, il rentre et tout, puis il me dit hey, j'ai vu une vidéo, va mater ça. Maintenant, je vais faire des cauchemars ce soir. C'est quoi la vidéo, non, Dylan? Non, mais c'est vrai, en fait, je l'ai vu ce midi sur Facebook. En fait, ouais, c'est la vidéo d'une meuf en train de filmer une balançoire, mais qui se balance toute seule dans un parc. Oh, j'ai vu, ah, j'ai ouais, pas voulu regarder, moi. Laisse, ça me fait flipper ce genre de truc. Non, mais dans un autre genre, il y avait aussi une vidéo comme ça qui avait buzzé sur les réseaux sociaux où c'était un papa avec ses enfants. D'accord. Qui voulait aller jouer dans un parc avec des jeux, sauf que la balançoire, pareil, elle se balançait toute seule. Oh, mais genre, là, le pire, c'est qu'il n'y avait pas de vent. Tu vois, tu peux te dire, il oui, ah, y a un peu de vent, c'est de la tempête. Non, no way, il n'y avait rien du tout. Le truc, il se balançait tout seul. Eh ben, l'idée, moi, je demande aux auditeurs pour le début de l'émission, là, à 20h, est-ce que vous avez déjà vécu des choses paranormales? Vous pouvez lâcher vos messages par SMS. C'est 50 centimes par envoi, c'est 50 centimes. Et c'est la première fois que je regarde, en fait, une vidéo de balançoire, mais flippé, hein, sur un site normal, tu vois. Est-ce que vous avez déjà. Souvent les. Hein comme... Oh non, je vais me tilter. Tu regardes des vidéos de balançoire où ça, toi? Moi, sur, j'ai vu ça dans un sex shop. Sérieux, j'ai vu ça qu'il y avait. Ouais, ouais, ouais, clairement. J'ai vu ça qu'il y avait dans un sex shop, qui avait des balançoires. Je sais de Waterloo, c'est ça. Et j'avais été acheter. pas ça, hein, rassurez-vous, c'est pas ça. Je passais devant, tiens. Et j'ai vu une balançoire. Non, mais sérieusement, est-ce que vous voulez que je vous fasse flipper vite fait? Vas-y, vas-y. Allez, 19h42, ouais, ouais, il fait noir. T'as des vidéos de toi dans la balançoire? Non. Sur la balançoire? Non. Il n'est pas question de balançoire. On est tout seul à la radio maintenant. Il n'y a que nous, l'équipe, ah oui, de la Power et l'équipe de Fun Radio Connected. Ouais. Est-ce que vous savez qu'il y a un fantôme à Fun Radio? Mais non, rigole, il va mourir. Moi, je vous jure que oui. Il s'appelle Budget. Attends. Je te jure que c'est pas une vanne. Il y a des gens qui l'ont déjà vu chez Fun Radio, je vous jure. Et il y a même parfois, si, parce qu'en plus, toi, tu restes tard, oui, Dylan, ah à l'antenne, oui, jusqu'à de Fun. 22h, jusqu'à, hey, minuit même. Et puis après, il y a Before Party Fun. Le gars, il reste là jusqu'à minuit. Et parfois, je te jure, ça va peut-être t'arriver. L'ascenseur de Fun Radio se déclenche. Non, mais arrête. Je arrête, te jure. Sincèrement, que si, t'es en train de vanner là. Non, je te jure. Tu peux faire appel aux ancêtres de Fun Radio. Ouais. Il y a apparemment une dame avec des longs cheveux noirs qui traîne dans les couloirs. Mais, je te quoi, jure. C'est la si, femme de ménage. Non. Elle a pas la clé. Mon balai. Mon balai. Bon, allez, dites-nous, vous de l'autre côté de la radio, 3044 pour vos messages, 50 centimes l'envoi. Est-ce que vous avez déjà vécu une expérience un petit peu paranormale? Un peu comme la jeune fille là qui a posté ça sur Facebook et qui a vu la balançoire qui se balance toute seule. Mais laisse tomber. Moi, il m'arrive un truc comme ça. Déjà, tu bouges plus quand t'as vraiment peur. Tu vois, tu sais plus quoi faire. Tu fais ok, je vais mais crever. Le truc, c'est qu'on a souvent vu des choses et on a oublié de filmer en fait. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est pas plus mal parfois. Hein. Donc, allez-y, on attend vos réactions. 3044 pour vos messages. Et là, côté son dance floor, je vous cale un petit boosty sur Fun. Bienvenue tout le monde. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's alright. Il nous faudra vite se fédérer pour éviter de vivre le sentiment que vide est le sablier. Manier l'amour d'une certaine manière, car au bout du compte, nous sommes des milliers. Je continue de penser que le bonheur est fait pour alléger les âmes, en avoir l'impression d'être sous. Faites-vous à l'idée qu'on est peut-être fou. En fait, faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's alright. Sommeil, veux-tu vivre dans un monde sans soleil? Nous c'est l'amour qu'on veut semer, le sentir fleurir sous nos semelles. Mais c'est hyper dur quand la haine perdure. Mieux vaut essayer alors qu'on sait que tout est perdu. Donc je me sers de l'idée qu'on est peut-être fou. En fait faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Je ne capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas tout. Nous ne sommes que des calques. Je capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas tout. Nous ne sommes que des calques. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a Les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Je capte pas. Les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. On peut pas survivre en apnée. Attends, non. On essaye. Ah non. La suffisance avec moi au final. Je m'excuse, je suis en train de péter un câble. Il est 19h46. Toi t'as faim toi. Bah oui en fait c'est ça. Je rêve d'un spaghetti bolognaise. Oh non dis pas ça. En même temps ne pars pas si vite Dylan. Non ne cours pas. Non ne t'échappe pas. Parce que je rappelle quand même, je suis outré, que Dylan m'avait quand même promis de m'apporter un jour de la sauce bolo. C'est un italien. Et ben voilà, des promesses en l'air toujours. Eh ben écoute, je t'invite officiellement. Ce sera le 5 octobre. Bah ouais c'est ça, enfoiré. Ouais, bah non c'est aujourd'hui en fait. Je suis en émission donc désolé. C'est vraiment un enfoiré, c'est dégueulasse. Bon, on va se faire le son de Mo comme promis. Il y aura aussi du Lost Frequencies. Ça, c'est le nouveau hein, pour aller jusqu'à 20h. Et alors, je voulais vous dire un truc. Demain, dis-nous tout. On aura de l'invité dans l'émission. Oh, trop bien ça. Qui. Alors, je vous donne un indice. Singe. Singe. Donkey Kong. Non. C'est un artiste, c'est un Break It, Break It Down. Tu vois, c'est un peu DJ, artiste, producteur, tout ça. Tarzan. Non, oh lui, sérieux, oh, les gars. Moi, je sais. On le passe sur Fun Radio. Il est belge, il est carolo. Ferait pas un kid. Eh ouais, Kid Noise sera avec nous demain. Tout bon ça. Ouais. Kid Noise avec son nouveau son, la Don't You Know, vous l'avez déjà entendu en premier sur Fun. Allez. C'est bon, hein, franchement. Il cartonne, Kid Noise. 600 représente en plus, c'est un carolo, tu vois ce que je veux dire. Demain, les gars, on sera en puissance numérique. Bim, deux carolos dans le studio. Eh ben, c'est pareil. Deux carolos veulent 4. Valent 4 bruxellois. Ouais, volent, ouais, c'est ça. On sait tous qu'ils volent. Voilà, voilà. Vous avez entendu. Donc, si vous avez deux carolos, ils volent directement. Voilà, ils volent les bruxellois. Bref, Kid Noise sera avec nous demain dans l'émission. Soyez bien là, les copains. Franchement, ça va être énorme comme émission. Kid Noise, qu'on kiffe, c'est un peu la famille ici sur Fun Radio. Avant de retrouver Dylan à partir de 20h pour Fun Radio Connected, on se fait le son de Mo maintenant, Final Song, ça va, et puis juste après, il y aura le nouveau Lost Frequencies, rien que pour vous. Partez vous éclater au concert de Martin Garrix en VIP à l'Amsterdam Dance Event grâce à Fun Radio. Écoutez Fun Radio non-stop tout le week-end. Dès que vous entendez un titre de Martin Garrix, hey, what's up, this is Martin Garrix, soyez le premier à envoyer concert par SMS au 6322. 1€ par message. Et partez faire la fiesta à deux avec transport et hôtel au live de Martin Garrix le 21 octobre à Amsterdam. Les concerts de vos stars préférées, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. The song dance floor. Qui livre vos vins préférés partout en Belgique? CoraWine.be. Oui. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou sur CoraWine.be. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Maintenant, ce sont les jours fous chez MediaMarkt. Ils deviennent complètement dingues. Une course de fou à gagner, avec pas moins de 100 secondes de shopping gratuit, c'est totalement dément. En plus, chaque client a une chance de gagner. Participation et conditions sur MediaMarkt.be. MediaMarkt, je ne suis pas fou. Cela ne fait-il pas trop longtemps que tu n'as plus vu Marcel? Marcel, si, je l'ai vu hier. Ok, bon, ben Marc. Ben, je l'ai vu hier aussi. Fred? Fred, ah oui, lui, ça fait longtemps. Bon, eh bien. Et quoi, eh bien? Mais qu'est-ce que tu attends? Allez, va le voir. Ok. Saute dans ta voiture. Je Vas-y. Bon, allez, j'y vais. Plus rien ne t'arrête. Non, rien. Ouais. Bonjour, est-ce que Fred est là? Ben non, ici c'est chez Tony. Touring, plus rien ne vous arrête, car nous vous offrons 2 mois gratuits sur votre assistance dépannage annuelle. Infos et conditions sur touring.be. The best DJs on Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. I tried hard to make you want me, but we're not supposed to be. And the truth will always haunt me, even though it set me free. And my tears flow like the ocean as they floated in the breeze. They were falling in slow motion and they brought me to my knees. Oh, you're haunting me, taunting me, all in my brain. Turn out the light and now all that remains fills me with doubt and I'm shouting your name out loud. Why do you wanna put me through the pain? I get the feeling I'll never escape. I get high away from the shame of you. Tears on the ground, tears on my pillow. You won't bring me I'll get over you.